pas de ni yon pile chive. Si ou malé, yo te ka kriye ou ka san fè. Si ou malé, yo te di ou bal moto. Yeah.